Coucou, c'est Mathieu. Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, j'ai décidé de faire appel à des sponsors. En écoutant leurs messages publicitaires, vous nous permettez de continuer à imaginer des tas d'histoires pour vous. Merci de votre soutien. Les petites histoires de Telmi. C'est grâce à Diane, une auditrice des petites histoires, que cette histoire existe. Son thème était « Le loup qui n'avait pas d'amoureuse ». Cette idée nous a beaucoup inspirés avec Cécile. On espère qu'elle vous plaira. Le loup qui n'avait pas d'amoureuse. Tous les copains de loup ont une amoureuse. Même Okami, son meilleur ami. Après les baskets fluo et pulls léopard, c'est ça la nouvelle mode? Tomber amoureux? Sauf que celle-là lui pose une sacrée colle. Il n'a pas la moindre idée de la façon dont il faut s'y prendre pour avoir une amoureuse. Et pas question de demander aux autres louveteaux. Ce serait trop la honte. Seule une personne pouvait l'aider. Vava, sa mère grand. Quand elle ne roupille pas, la vieille louve répond à toutes les questions, même les plus dures, comme « Qui est arrivé le premier ? La poule ou l'œuf ? Pourquoi les nuages ne parlent pas ?» ou bien encore « Combien fait l'infini ?» Le jeune loup déboule dans la tanière de sa mère grand avec fracas. Assise dans son fauteuil spécial sieste, la pauvre vieille se réveille en sursaut. « Mamie ! Mamie ! Il y a urgence !»« Oh, en jugé par ton niveau d'excitation et le fait que tu me tires d'une sieste bien méritée, t'as une question cruciale. »« Oui, comment on tombe amoureux ?»« Oh, ça, c'est une question d'alchimie. »« De la chimie ? Mais c'est super compliqué, ça !»« Je te le fais pas dire. Et la recette n'est jamais la même pour tout le monde. Il y a tout un tas de... » Lou n'ose pas la réveiller une nouvelle fois. Après tout, il a sa réponse. Il doit étudier de la chimie. Le meilleur endroit pour ça, c'est la grande bibliothèque. Lorsqu'il arrive dans le rayon chimie, Lou gémit. Il y a au moins 1000 manuels. Ça risque de lui prendre toute sa vie de tous les lire. Il va voir le bibliothécaire qui lâche un grognement interrogateur en le voyant s'approcher de son bureau. Pourquoi ça t'intéresse tant la chimie, jeune Lou ? Alors, je vais tomber amoureux. Et qu'est-ce que la chimie vient faire là-dedans ? C'est ma mamie Vava. Elle a dit que tomber amoureux, c'était de la chimie. Oh, tu as mal compris. Elle devait parler d'alchimie. Et je dois dire qu'elle a bien raison, ta mère grand. Mais tu ne trouveras ça dans aucun manuel, mon garçon. Désolé. Mais comment je vais faire alors ? Tous mes copains sont amoureux. Ça viendra avec le temps. Sauf que du temps, il n'en a pas. La dernière fois qu'il avait trop attendu, c'était pour les cartes Proikémon. Il avait économisé patiemment pour toutes les acheter d'un coup, mais deux jours après, plus personne ne s'y intéressait. Lou rentre chez lui tout grognon. Et sans le faire exprès, il claque la porte d'entrée. Son père surgit dans le couloir. Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai failli avoir une attaque. Pardon, pas. Mais qu'est-ce qui te prend de claquer la porte comme ça ? Tous les copains ont une amoureuse et moi j'en ai pas. Alors j'ai demandé à Mère Grand comment on fait pour tomber amoureux. Elle m'a dit que c'était de la chimie, je pensais que ça pouvait s'apprendre. Mais le bibliothécaire m'a dit que non. Alors je tomberai jamais amoureux. Ne dis pas ça, mon loup. Bien sûr que si, tu tomberas amoureux. Comment ça t'est arrivé, toi, avec maman ? Il a suffi que je la regarde et d'un coup, j'ai su que c'était la louve de ma vie. Lou reste sans voix. Ses yeux brillent comme si son papa lui avait donné un trésor. Alors c'est aussi simple que ça de tomber amoureux ? Le lendemain, Lou arrive avant tout le monde à l'école. Il se poste devant la grille avec un objectif, regarder les louves qui arrivent à l'école. Sauf qu'Okami débarque parmi les premiers pour lui raconter comment il a réussi à battre le dernier boss de Megalou 10, leur jeu préféré. En classe, plutôt que d'écouter la maîtresse, il regarde chacune de ses camarades. Parfois en les fixant longuement, parfois avec des yeux de biche. Certaines gloussent, d'autres sont gênées, mais aucune ne lui apparaît comme la louve de sa vie. Peut-être se trouve-t-elle dans une autre classe. La récréation sera l'occasion de le savoir. Dans la cour, Lou recommence sa séance d'observation. Mais autour de lui, ça lève des sourcils, ça grogne, ça rigole. Puis Okami vient le voir. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Lou ? Tout le monde te regarde bizarre. Ah bon ? Je regarde juste les louves pour tomber amoureux. Hein ? Mais t'as pas besoin de les fixer comme ça. Ah bon? Pourtant, papa m'a dit qu'il était tombé amoureux de maman en la regardant. Mais t'as compris de travers. Si t'as pas de flash, ça sert à rien. Ah bon? T'en as eu un avant d'être amoureux avec Juno? On a carrément flashé l'un sur l'autre. J'avais des étoiles plein les yeux tellement j'étais ébloui par ta beauté. Et elle m'a avoué qu'elle aussi. Okami n'est pas son meilleur ami pour rien. Avec ce conseil, Lou en est certain. Demain, il sera amoureux. Papa? Oui, mon loup. T'aurais encore ton vieil appareil photo, celui avec le gros flash? Il doit être au grenier. Pourquoi? Tu en as besoin? Oui, la maîtresse nous a demandé de ramener un vieil objet. Et j'ai repensé à ça. Comme maintenant, on prend des photos avec les téléphones, je me suis dit que j'épaterais tout le monde. Lou s'étonne lui-même de son brillant mensonge. Son père n'y voit que du feu. Il va chercher son vieil appareil et, emporté par une folle envie d'aider son fils à avoir la meilleure note, il lui explique pendant d'interminables minutes comment prendre une photo parfaite. Le lendemain, Lou se poste une nouvelle fois devant la grille de l'école, appareil photo en main, avec son flash le plus puissant. Dès que la première louve arrive, flash, photo. Elle est bien éblouie, mais lui grogne dessus. Il recommence une fois, deux fois, et à chaque fois, les filles montrent leur croc. Tout le monde le regarde de travers. Les parents le grondent. Lou se recroqueville jusqu'à ce que la directrice surgisse. Il se croit sauvé, mais elle le prend par la peau du cou et l'embarque illico dans son bureau. « Hier, vous regardiez les louves comme des proies et maintenant vous les éblouissez avec votre vieil appareil photo. Avant d'appeler votre père, j'aimerais une explication. »« Je voulais juste devenir amoureux. Oh, »« Vous vous moquez de moi ?»« Mais non, madame la directrice. Papa m'a dit qu'il était tombé amoureux de maman juste en la regardant. Et puis Okami m'a dit que j'avais rien compris, qu'il fallait flasher sur quelqu'un. Alors j'ai pris le vieil appareil photo de papa. » Ce que voulait dire Okami et votre papa, c'est qu'ils ont eu un coup de foudre. Quoi? Mais comment ils ont fait pour survivre? Enfin, Lou, c'est juste une expression qui veut dire qu'ils ont été comme foudroyés par l'amour, car ils ont trouvé leur âme sœur. C'est aussi une expression, ça. Parce que maman et Juno, c'est pas les sœurs de papa et Okami. Vous avez compris. Une âme sœur est quelqu'un avec qui vous vous entendez parfaitement. Quelqu'un qui vous correspond. Oh là là, mais c'est trop compliqué, l'amour. Je ne vous le fais pas dire. Et dans votre quête de l'amour, vous serez privé de récréation pendant une semaine. Vous en profiterez pour écrire des lignes, pour vous rappeler qu'il ne faut pas ennuyer les filles, même si l'on recherche l'être aimé. Bon, je ne vais pas appeler votre père, mais vous devrez lui faire signer votre cahier de liaison pour demain, sans faute. Lou rentre chez lui abattu. Il s'affale dans le canapé et reste là à fixer la télé qui n'est même pas allumée. Bah, mon loup, t'en fais une tête. Il t'est arrivé un malheur. Je suis puni. Une semaine. Tout ça parce que je voulais devenir amoureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Lou lui explique tout. C'est un peu sévère, mais c'est juste. Tu as fait n'importe quoi quand même. Mais je veux devenir amoureux, moi. Mais pourquoi? Parce que tout le monde a un amoureux ou une amoureuse. Malheureusement, ça ne se décide pas, mon loup. C'est pas juste. Comment je vais faire, moi? Il n'y a pas de recette magique pour tomber amoureux. Mais par contre, je crois qu'il y a quand même un secret qui met tout le monde d'accord. Ah bon? C'est quoi? N'y pense pas, et tu verras. Quand tu t'y attendras le moins, l'amour pointera le bout de son museau, et tu seras le plus heureux des loups. C'était une histoire de Cécile Rubin. Vous avez aimé cette histoire? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt!